Écoute la voix qui tremble, les mots qui flambent. Ces bâtards pourront bien courir avant d'espérer que je me rende. Ils sont patrons du nouveau texte, mais sur mon dos ils salivent. Y'a ceux qu'attendent le nouveau duel, moi c'est le retour de Salif. J'pose, et pas la race si ça fait zéro vue mec. J'ai marié le son et la plume quand les autres travaillaient leur pec, check. Ouais, j'ai les crocs les gars, des gros dégâts. J'ai ramené une dose de plastique à te faire péter deux états. Et ça fait bam palam, j'fais du peura mais qui vient pas de Paname. J'enchaîne les titres, ils parlent de hit mais c'est que des grosses bananes. Gros j'en ai bras, c'est des emmerdes, des merdes c'est pas ça qui me stoppera. J'avancerai coûte que coûte avec la force de mes deux bras. Poteau écoute, écoute les phrases qui coulent. J'te choque les foules, ça rend ma boule. Mais reste cool ma poule, c'est vrai. J'suis la preuve qu'on peut en paver, ce même sans glorifier la rue, connard. J'suis pas venu pour couper le gâteau, moi j'suis venu pour pisser dessus. Il m'attendait dans son tournant, alors j'ai filé tout droit. Et peu importe, je dirais haut ce que les autres diront tout bas. Manger des baffes à tout va, mais se relever sera important. Mais gros, j'ai vu le temps passer, tout comme le feu de mes 20 ans. Ma gueule, j'ai vendu en eau trouble, j'ai traversé les flammes. Mais la fierté m'importe peu, sauf dans le regard de ma femme. Je vois que le monde est une triste blague, et l'humain en est l'auteur. On veut tous décrocher la lune, mais personne à la hauteur. Spectateur de nos propres vies, on n'a pas capté le rôle. Et on avance à contresens tout en perdant le contrôle. Je passerai pas à côté de la mienne, attendant bêtement mes rêves. Et le jour où je pars les pieds devant, c'est qu'il sera l'heure de la trêve. J'espère avoir laissé une trace entre mes mots et ratures. Et si le trajet fut si beau, je me dis que la fin sera dure. La moitié de ma vie a rappé et l'autre a cherché ma voix. Les parents m'ont dit bouge-toi le cul, il faudra bosser mon gars. Mes règles dispo, toi t'es pas à l'aise, mais travaille le fond et la forme. Écris sans voir passer les heures et balance que des trucs hors normes. Alors j'ai taffé, taffé, j'taffé, taffé encore. Dans cette putain de passion, je me serais donné à mes corps, ouais. Fatigué mais je lâcherai pas, à croire que j'ai tout approuvé. Sur scène à chercher vos regards comme pour me faire approuver. Appelle ça des problèmes d'ego mais je crois que j'ai peur de mal faire. Peur du jour où tombera le rideau en me disant que je pouvais mieux faire. Pensant à chaque rime que j'ai dit, à celle que j'aurais pas dû faire. À ces putains de pulsions qui font que parfois je me suis dû perdre. Entre mes lignes se cache de tout et je vous laisserai le déceler. Et le jour où je serai loin de tout, indélébile sera le passé. Je te raconterai cette aventure avec un verre à la main. Les larmes aux yeux, le cœur serré avec un sourire en coin. On revivra chacune des routes, chacune des scènes, chacun de nos titres. Et d'un revers de main, on pourra refermer le livre. On en écrira d'autres pages, d'autres chapitres et d'autres rêves. Et peu importe les mirages, ma devise restera chante ou crève. On en écrira d'autres pages, d'autres chapitres et d'autres rêves. Et peu importe les mirages, ma devise restera chante ou crève. On en écrira d'autres pages, d'autres chapitres et d'autres rêves. Et peu importe les mirages, ma devise restera chante ou crève. On en écrira d'autres pages, d'autres chapitres et d'autres rêves. Et peu importe les mirages, ma devise restera chante ou crève.